En août 1960, la CIA décida d'engager des membres de la Pègre ayant des contacts avec le syndicat des Jeux pour l'aider à assassiner Castro. L'origine de ce complot demeure obscure. La première preuve concrète de cette opération réside dans une conversation entre le directeur des opérations, Bissell, et le colonel Sheffield Edwards, directeur du bureau de la sécurité. Edwards s'est souvenu que Bissell lui avait demandé de trouver quelqu'un pour tuer Castro. Bissell a confirmé cela, et il croit même se souvenir qu'Edwards a suggéré de contacter des membres du syndicat des Jeux à Cuba. À son arrivée au pouvoir, Castro avait fait fermer les casinos. Mais ils furent ouverts à nouveau pour les touristes étrangers à la fin de février 1959 et le demeurèrent jusqu'à la fin de septembre 1961. Edwards confia cette mission au chef de la division de soutien opérationnel du Bureau de la sécurité. Le chef de la division de soutien s'est souvenu qu'Edwards lui avait dit que Bissell et lui cherchaient quelqu'un pour éliminer ou assassiner Castro. Edwards et le chef de la division de soutien décidèrent de s'en remettre à Robert A. Mayhew pour dénicher un homme assez solide pour accomplir un tel travail. Mayhew était un ancien agent du FBI qui était devenu détective privé en 1954. Un ex-collègue de Mayhew au FBI travaillait maintenant au bureau de la sécurité de la CIA et il avait fait engager Mayhew par l'agence pour plusieurs opérations secrètes particulièrement délicates dans lesquelles on ne voulait pas que se fasse prendre un fonctionnaire de l'agence ou d'un ministère. En 1954-1955, Mayhew avait collaboré avec la CIA pour essayer de faire rompre un contrat avec le gouvernement de l'Arabie saoudite qui donnait pratiquement à une seule personne le contrôle complet du transport du pétrole de ce pays. Mayhew était à l'époque au service d'un concurrent de la personne qui détenait ce contrat. Mais cela ne l'empêcha pas de collaborer de très près avec la CIA. Dans son témoignage, il affirme qu'après avoir consulté la CIA, il fit placer une table d'écoute dans la chambre d'hôtel du détenteur du contrat et que, grâce à ses efforts, le contrat fut dénoncé. Mayhew fit notamment publier des détails de l'affaire dans un journal de Rome acquis grâce à des fonds de la CIA. Le chef de la division de soutien a d'autre part déclaré à la commission que, à la demande de la CIA, Mayhew avait fait réaliser à Hollywood un film qui décrivait le voyage en Union soviétique d'un chef d'État étranger avec une femme. La CIA voulait diffuser ce film en laissant croire qu'il s'agissait d'une production soviétique. Le film n'a jamais été utilisé. Mayhew a reconnu qu'il avait déniché un comédien ressemblant au chef d'État en question et qu'il avait organisé la production du film. Au début, Mayhew recevait de la CIA des honoraires mensuels de $500, mais on mit fin à cette pratique lorsque le bureau privé de Mayhew devint plus prospère. Le chef de la division de soutien se trouvait être, depuis le début, l'officier traitant de Mayhew, et en 1960, ils étaient devenus des amis intimes. À la fin d'août ou au début de septembre 1960, le chef de la division de soutien s'est entretenu de cette opération avec Mayhew. D'après les souvenirs de Mayhew, le chef de la division de soutien lui a demandé de se mettre en rapport avec John Rosselli, un membre de la Pègre qui avait des contacts avec les milieux des Jeux de Las Vegas, pour savoir si Rosselli accepterait de participer à un plan destiné à se débarrasser de Castro. Le chef de la division de soutien, en revanche, affirme que c'est Mayhew qui a suggéré Rosselli. Mayhew connaissait Rosselli depuis la fin des années 1950. Bien que Mayhew ait prétendu qu'il ne savait pas jusqu'où pouvaient aller les contacts et les activités de Rosselli avec la Pègre, il s'est souvenu que, de toute évidence, Rosselli avait la possibilité de faire avancer les choses à Las Vegas, alors que personne d'autre ne semblait y disposer des mêmes facilités. Au début, Mayu ne voulait pas trop se mouiller dans cette opération pour ne pas nuire à ses relations avec un nouveau client, le milliardaire Howard Hughes. Dans sa déclaration à la commission d'enquête, Mayu dit qu'à ce moment-là, Hughes devenait un de ses gros clients et que le fait de s'occuper de ce complot de la CIA pouvait nuire à son travail avec Hughes. Un peu avant les élections, en novembre 1960, Mayu travaillait à Miami au projet d'assassinat. Il reçut un coup de téléphone de Hughes qui lui demandait de retourner sur la côte du Pacifique. Mayu ne voulait pas perdre la clientèle de Hughes. « Je lui ai raconté, a-t-il dit, qu'il s'agissait d'un projet pour le gouvernement des États-Unis comprenant un complot pour se débarrasser de M. Castro, complot préalable à une invasion de Cuba. » Finalement, Mayu a accepté parce qu'il avait le sentiment d'avoir envers la CIA une dette de reconnaissance. Le rapport de l'inspecteur général déclare « Edwards et Mayu ont décidé que Mayu se présenterait à Rosselli comme le fondé de pouvoir d'un groupe d'hommes d'affaires ayant des intérêts à Cuba et pour qui l'élimination de Castro représentait un premier pas essentiel leur permettant de récupérer leurs investissements. » D'après les souvenirs du chef de la division de soutien, Mayu devait utiliser cette couverture lorsqu'il présenterait l'affaire à Rosselli. Celui-ci, cependant, prétend que cette histoire a été inventée seulement après la prise de contact avec lui et qu'elle a servi de couverture commune pour lui, le chef de la division de soutien et Mayu, lorsqu'on a par la suite recruté des Cubains pour exécuter le plan. Le chef de la division de soutien a déclaré qu'on avait dit à Mayu d'offrir une somme d'argent, probablement 150 000 dollars, pour l'assassinat de Castro. Rosselli aurait rencontré Mayu au restaurant Brown Derby à Beverly Hills au début de septembre 1960. Mayu lui aurait dit que de hautes personnalités du gouvernement avaient besoin de son aide pour éliminer Castro et il lui aurait demandé de recruter des Cubains à cette fin. Mayu, de son côté, se souvient de cette rencontre. « J'ai informé Rosselli que j'avais été chargé par mon gouvernement de solliciter sa collaboration pour cette entreprise particulière. » D'après Mayu, Rosselli avait hésité à participer au projet, mais ensuite il avait compris qu'il s'agissait pour lui d'un devoir envers son gouvernement, et il avait accepté de collaborer. Rosselli insista pour rencontrer un représentant du gouvernement. Une rencontre entre Mayu, Rosselli et le chef de la division de soutien fut organisée à l'hôtel Plaza de New York. Le rapport de l'inspecteur général situe cette rencontre le 14 septembre 1960. Rosselli n'a pu se souvenir de la date précise, mais il s'est rappelé que c'était pendant la visite de Castro au siège des Nations Unies, entre le 18 et le 28 septembre 1960. D'après le témoignage du chef de la division de soutien, Mayu l'aurait présenté à Rosselli comme l'un de ses associés en affaires. Mayu, selon lui, se serait présenté comme le fondé de pouvoir d'un groupe international d'hommes d'affaires ayant réuni la somme d'argent nécessaire à l'assassinat de Castro. Rosselli, de son côté, affirme que Mayu lui avait dit à ce moment-là que le chef de la division de soutien faisait partie de la CIA. On décida que Rosselli se rendrait en Floride pour recruter des Cubains. Edwards informa alors Bissell qu'on était désormais en contact avec le syndicat des Jeux. Pendant la semaine du 24 septembre 1960, il y eut une autre rencontre à Miami entre le chef de la division de soutien, Mayu, et Rosselli, pour arrêter les détails de l'opération. Rosselli se faisait appeler John Ralston et se présentait à ses contacts cubains comme l'agent de certaines firmes de Wall Street possédant des intérêts dans le nickel et d'autres ressources à Cuba, firmes qui lui fournissaient une assistance financière. Mayu se chargeait de mettre au point l'opération et d'informer le chef de la division de soutien de son déroulement. Mayu et Rosselli étaient à Miami depuis peu, Cela s'est passé certainement avant le 18 octobre, quand Rosselli présenta à Mayou deux individus sur lesquels il pensait pouvoir compter. Sam Gold, qui serait l'homme clé de l'affaire, et Joe, qui selon Gold serait le courrier vers Cuba et qui prendrait là-bas toutes les dispositions. Le chef de la division de soutien, alias Jim Olds pour la circonstance, prétend n'avoir rencontré Sam et Joe qu'une fois, et encore brièvement. Le chef de la division de soutien déclare en outre qu'il a appris l'identité véritable de ses comparses lorsqu'un matin, Mayou lui a téléphoné pour lui dire de jeter un coup d'œil sur le cahier parade du Miami Times. Dans un article sur les 10 criminels les plus recherchés aux États-Unis, on pouvait voir que Sam Gold était en fait Momo Salvatore Giancana, un gangster de Chicago, et Joe Santo Traficante, le chef de la Cosa Nostra à Cuba.